C'est très bien parce qu'il nous reste, une fois n'est pas coutume, hein, on est très content qu'il nous reste 25 minutes donc, de discussion pour que vous puissiez donc, poser donc, vos questions aux invités donc, qui nous ont fait l'honneur de venir aujourd'hui. Et, rajouter une petite précision. Oui. Oui, mais et donc on tient vraiment encore une fois à vous remercier. Tout ce que vous avez dit est extrêmement stimulant et a contribué beaucoup, en tout cas pour ma part, je m'engage seule, à nourrir vraiment les réflexions qui pour l'instant sont donc encore à l'état pour nous d'ébauche dans le cadre de ce séminaire qui reste un séminaire dont le fonctionnement est beaucoup celui d'un groupe de travail. Donc merci vraiment de tous ces éléments de réflexion que vous avez apportés tous les deux aujourd'hui. Donc je te laisse la parole. Non, je voulais juste signaler, parce que je n'avais pas vu qu'il y avait Alain Aubert qui a été depuis le début avec nous à Cinémaction et qui a écrit un des papiers de synthèse dans le cinéma militant Reprend le travail sur le monde agricole, donc mettant côte à côte film et vidéo. Salut Alain. Et Josiane Jouet est là aussi, qui a co-réalisé à notre santé une bande vidéo féministe qui a été citée tout à l'heure. Effectivement, il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices de cette époque présentes aujourd'hui. Juste deux secondes, parce que tu as parlé du numéro Cinémaction sur la Bretagne. Les photos bouchées, c'était pas vous. Hein. Bon. C'est de la couverture, bien. Mais non, le vrai problème, pourquoi il n'y avait pas de vidéo sur ce numéro? Parce que bien évidemment, on a cherché. Il y a plusieurs enquêtes là-bas, il y avait des gars de terrain, etc. etc. Mais simplement parce qu'il y en avait très très peu. Et on était d'autant plus sincères que si vous. Enfin, ceux qui n'ont été plus ou ceux qui peuvent y retourner feuilleter, on a en quelque sorte épluché aussi, parce que ça on l'oublie beaucoup, il y avait tout un ensemble de militants qui travaillaient avec des diaporamas. Oui. Qui travaillaient avec des diaporamas. Oui. Parce que c'était facile, parce que ça coûtait pas cher, parce que c'était manipulable dans leur cuisine, etc. etc. On a parlé de ça. Il y avait quand même tout un mouvement de Super 8, parce que c'était comme Thor et Ben. Alors là, on a beaucoup parlé avec eux. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que le Super 8 était très maniable. Très maniable. D'autre part, les catégories, moi je veux bien, alors là, on pourra en parler, il y avait tellement de choses à dire depuis une quarantaine d'années pratiques. Par exemple, le ciné-journal de Léon Maillet, c'était encore un travail très proche de la vidéo, puisque c'était extrêmement léger, il était seul, ou enfin avec son groupe, il avait organisé un petit peu tout son truc, c'est quand même important à citer. Donc, les partages existent, oui, bien sûr, mais ce qui me gêne un peu en tant qu'à la fois praticien et un petit peu théoricien, c'est quand même des étiquettes un peu trop carrées, parce que les pratiques sont transversales, en quelque sorte. Bon, enfin, et alors, dernière chose en Bretagne, quand même, je peux en parler plus, mais pas de la Bretagne, c'est qu'il y a un problème de matériel et d'éloignement. On a quand même une vision, et j'en suis, hein, on a une vision quand même très parisiano-centriste de la chose, hein, et ça, j'en ai parlé avec Guéraud à l'époque, et puis les autres là-bas. D'abord, le matériel était cher, moi je vois très bien comment c'est venu avec effectivement Gégé à l'époque, et puis d'autres, etc. Le matériel fallait le trouver, c'était cher, c'était fragile. Pas l'oublier, ça quand on est en tournage, dans certaines conditions, surtout les conditions de lutte ou de certaines conditions atmosphériques, de branchement, de rapidité, de transport, il y a beaucoup de matériel à se quinter dans les transports, enfin je reviens un peu dans le concret de la chose. Donc il y avait ce problème de fragilité qui en a fait reculer beaucoup. Voilà. Mais par contre, et ça par exemple, Guéraud, Sinoc avaient le problème, ils y sont venus, mais ils ont eu le problème. Et dernière chose à dire rapidement, ça se met tellement de choses, c'est que, comment dire, le cinéma avait une exigence, la caméra avait une exigence, et quand on touchait la caméra, moi j'ai pratiqué avec des étudiants par ailleurs, quand on touchait, on amenait la caméra, il y avait quelque chose qui se passait, qui pouvait bloquer, qui pouvait, etc. Et c'est vrai que la vidéo a débloqué ça, ça c'est sûr. Mais alors inversement, elle a lancé une espèce de... pas d'irrespect, c'est pas ça, mais enfin de pas de mépris non plus, mais une espèce de décomplexation, je sais pas comment dire, vis-à-vis du cadre, par exemple. Alors est-ce que là on peut discuter, est-ce que les Québécois avaient raison, pas raison, est-ce que ceci, est-ce que cela. Et il y a ce problème-là quand même, on peut pas c'était un des problèmes des collectifs d'ailleurs, entre parenthèses. Alors voilà, tout ça pour dire que par rapport à la Bretagne, il y a quand même ce problème d'éloignement, ce problème de difficulté du matériel, ce problème du montage, qui à la fois freinaient les choses. Mais il faut bien reconnaître une chose, c'est eux qui ont eu la bonne vision et qui ont anticipé à juste titre. Maintenant, le cinéma existait aussi, les gens de Plogoff, les Le Garec tournaient en 16, Sinop tournait en 8 et en 16, et bien d'autres, Chapouillet tournait en 16, Super 16, etc., etc., etc. C'est le seul obstacle qui bloquait tout, enfin il y avait deux obstacles. Le gros obstacle, on a connu en 68, le gros obstacle c'était les labos. Voilà, les laboratoires, ils n'avaient pas de cadeau, quel qu'il soit, quel que soit le producteur, il fallait payer. Donc quand on pouvait surnager, dépasser le problème du laboratoire, déjà on faisait sauter un verrou. Deuxième verrou, mais là c'était plus facile pour le 16, c'était la distribution. Parce que alors là, on pourrait en discuter, Jean-Michel Carré, etc. À partir du moment où le film avait un certain succès, pouvait être gonflé, etc., etc., il avait une diffusion en salle, alors qu'au départ, ce n'était pas toujours gagné. Le problème de la vidéo, c'est que maintenant, oui, c'est joué. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Donc quand il le diffusait, on a bien vu que c'était quand même des écrans restreints, public restreint, etc. Par contre, il y avait la maniabilité, il y avait la possibilité de réagir tout de suite, de faire parler les gens et de leur faire voir leur propre image pour qu'ils en discutent. Mais ça, Rouch l'avait fait déjà, hein, il le faisait en Afrique. Mais bon, là, c'était bien. Donc il y a tout ça qu'il faut essayer de trier progressivement, mais avec le recul, je crois qu'il faut y aller un peu plus prudemment que des secteurs, des catégorisations qui sont justes, bien sûr, mais qui parfois sont... Enfin, j'aime un peu les gens de terrain parce que c'est plus compliqué que ça. Voilà, je peux vous dire. Je peux m'en épuiser. Enfin voilà, pour le numéro 6 à la Bretagne, on a cherché la vidéo. Non, mais je pensais surtout, Alain Joubert, après je pensais surtout, par exemple, il y a eu une intervention très intéressante d'RL Vidéo, qui a commencé en 1976, donc qui existait déjà au moment où nous avons fait, enfin toi, Guéraud et Prédal et tout ça, on fait cinéma de région. Et par exemple, RL n'est pas très, enfin, c'est pas très, très apparent, quoi. Mais je pense aussi qu'il y avait un tel foisonnement que c'était très difficile de trouver. Et dernière chose, j'ai insisté sur le Super 8 et pour que effectivement il y ait aussi un travail sur le Super 8. Parce que là, là c'est vrai que les films Super 8 sont un déshérence. Je tiens. Je suis désolée, je prends la parole maintenant parce que j'ai d'autres réunions dans votre place. Donc c'était plus sur les différences et les analogies qui ont été dressées entre la vidéo des années 70 et le numérique actuel. Voilà. Donc bon, je trouve qu'effectivement c'est vraiment très très clair qu'il y a une très grande démocratisation, disons, des équipements, une baisse considérable des prix, une miniaturisation, et que tout le monde aujourd'hui peut effectivement faire des images animées et mettre sur Internet et avoir une diffusion absolument extraordinaire. Et tout le paradigme effectivement de l'individualisme, hein, que peut être bien évoqué Patrice, hein, le jeu, etc. Je suis aussi entièrement en accord avec ça. Par contre, je me dis, si on veut comparer, il faut peut-être partir, disons, de thématiques. Si on prend par exemple la thématique féministe, voir disons, ce qui se faisait disons, dans les années 70, et puis voir ce que font aujourd'hui les collectifs féministes. Alors, je parle du féminisme, mais ça pourrait être une autre entrée, hein, disons. Et donc là, on peut, disons, affiner. Affiner et voir quelles sont la façon dont les collectifs féministes d'aujourd'hui s'approprient le numérique, évidemment, on va revenir au porte-à-pas, etc. Comment ils vont utiliser ça, disons, dans les luttes, comment se joue la diffusion, quel rôle de coordination, etc. Donc je pense que là, c'est le parallèle qu'il faudrait dresser, disons, entre cette vidéo militante, puisque c'est la thématique, disons, et le numérique militant, entre guillemets. Ce qui est très différent de l'approche purement subjective, disons, de filmer des événements ou énoncer, hein, disons, de façon expressiviste, une dénonciation. Donc là, on va plus loin, on va effectivement dans une dimension collective beaucoup plus articulée. Je crois que tu as tout à fait raison, hein. Je veux dire, l'idée c'était d'ouvrir un petit peu le débat, mais je pense que si on veut aller plus loin dans ces analyses, il faudrait travailler effectivement sur des corpus relativement homogènes. Il faudrait aussi s'intéresser à la façon dont ça a été reçu, Bon, on sait bien que les diffusions restreintes, mais malgré tout, il y a eu des collectifs de diffusion. Il y a des bandes qui ont eu quand même une diffusion beaucoup plus large. Il est clair que quand on voit French Democracy, il faut en voir. Est-ce que ça a été effectivement reçu par des journalistes américains? Est-ce que, bon, c'est quand même un anglais accessible à beaucoup de monde, donc d'autres modes de diffusion Je pense que c'est effectivement, et cette idée, je crois que c'est une très bonne idée, hein, de travailler vraiment sur des petits corpus. Hein, ça serait un. Parce que la barbe, par exemple, va être dans le collectif, et la façon dont elles utilisent effectivement l'image à des fins. Non, je pense que ça serait une très très bonne idée. Je profite juste un mot sur la typologie que j'évoquais. Elle n'a pas grande prétention. D'abord, elle est liée à un corpus. Hein. Je crois que quand on fait des typologies, il faut toujours les renvoyer à un corpus. Hein. Elle est liée à ce corpus des 4-5 groupes vidéo que j'avais interviewés et d'un, je ne sais pas, une cité, une vingtaine, une trentaine de bandes. Hein. Donc, oui, c'est très très tôt, c'est en 75. Excusez-moi, C'est en 75. Hein. Voilà, donc, ouais. C'est en 75, c'est tout à fait quand même les débuts de la vidéo. Donc voilà. Hein, pas du tout spécialiste du cinéma militant, donc je veux dire, je pense que si on travaille sur le cinéma militant, on s'apercevrait très probablement que cette typologie ne convient pas. Et puis, par ailleurs, bon, c'est un idéal type, hein, donc qui a pour fonction, effectivement, d'aider à repérer des grands pôles. Hein. Voilà. Les deux pôles existent, ça, c'est vrai. Voilà. Mais je crois qu'il y a toute une gamme aussi. Ah, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hein. Peut-être dire quelque chose là-dessus, c'est. Je me dis que vraiment retracer des choses, moi je ne me rappelle pas plus de tout ça. Mais il y a peut-être quelque chose qui manque. Il n'y a pas eu d'étude au fond sur toute cette masse de citoyens, de responsables, etc., qui s'emparaient de ces films, vidéos. Hein, et qui les diffusait. On pourrait parler presque pour faire des journalistes des anonymes. Hein. Mais c'était incroyable. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à se procurer du matériel, à mobiliser une salle, etc. et à diffuser comme ça et autour de problématiques. Et de thèmes, etc. C'était l'écologie, etc. Enfin, on évoquait ça. Mais, alors, c'est là que. Est-ce que ça a changé actuellement? C'est une plus abordée, peut-être que je peux développer ça. C'est-à-dire qu'actuellement, Vidéo 00, et là, ça reste une équipe de ça, ça fait plus comme ça, etc. Mais on continue pratiquement de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a en France, donc en Europe, en nous, des grandes problématiques qui se développent actuellement. Hein, et en fait, on constate qu'autour de ces problématiques, qu'il y a des citoyens qui se rassemblent, etc., et qui essayent de réfléchir, etc. Vidéo 00 s'est transformé dans une autre appellation, parce qu'il ne faut pas brouiller les choses, mais le GAPS, hein, on vous a invité à participer, où on discute autour du libre-échangisme du protectionnisme. C'est un problème majeur pour l'évolution de la société. Et on utilise Internet. Et bien sûr, YouTube est utilisé. On peut utiliser Internet comme un portail qui permet de faire une action politique. Et quand on regarde, les problématiques n'ont pas tellement changé dans l'utilisation. Il y a des grands invariants qui se retrouvent à travers toutes les époques. Et je veux dire, on utilise à peu près les mêmes, les mêmes savoirs et les mêmes façons de procéder que dans les années 70. Hein. Et là, il y a ma question. Alors, je crois que tu as raison, il y a beaucoup de parenté, mais en même temps, c'est intéressant de voir quand même les différences. Alors, il y en a une qu'on n'a pas évoquée, et je vais juste évoquer rapidement, mais sur laquelle je voudrais revenir. C'est quand même l'internationalisation, hein, et la possibilité de faire des travaux à distance qui étaient inimaginables. Je pense à deux films, hein, qui sont sortis, si sont sortis en salle, parce que je les ai vus dans un festival, mais un film qui a été fait sur les élections en Iran, hein, qui est essentiellement un montage, hein, de choses faites par téléphone mobile qui ont été envoyées en Europe, hein, qui ont été montées en Europe. Il y a un autre, alors là, on est sur un tournage, l'autre c'est en Birmanie, un tournage en Birmanie, hein, des mouvements, des bonds, hein, qui ont été tués dans le milieu à d'énormes massacres, des massacres importants. Là, c'est tourné alors par des vidéastes birmans, hein, c'est envoyé en Europe, le montage est fait en Europe. Donc, il y a effectivement là des possibilités qui n'existaient pas, hein, dans des réseaux internationaux. Hein. Donc voilà, c'est ce que tu veux. Donc, bon, je pense à cet exemple-là, hein, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Donc, je crois que quand on fait ce travail de comparaison, bon, ce qui est intéressant, c'est de voir. Le même mouvement souterrain que l'on a connu dans les années 70, dans beaucoup de domaines où il n'y a pas une visibilité des institutions là-dessus. Mais heureusement, parce que ça se fait par de multiples réseaux, de centres d'échange, etc., de mobilisation ponctuelle, etc. On a la même problématique que dans les années 70 et les mêmes formes, je dirais, de résistance, de réflexion et d'anticipation de ce qui va se passer dans la société. On a les mêmes choses. Alors bien sûr, il y a les portables, il y a Internet, il y a une outil qui permet d'échanger, etc. Mais au fond, la démarche intellectuelle et politique, elle est très semblable. La conjoncture est quand même très différente. La conjoncture, me semble-t-il, économique, politique, idéologique, etc. Je pense que votre pratique elle-même, enfin ce serait intéressant là encore de faire une étude de cas, vidéo 00, et vos pratiques dans la continuité jusqu'à aujourd'hui. De même finalement pour RL Vidéo, puisqu'il y a aussi une pratique dans la longueur jusqu'à aujourd'hui. Alors RL Vidéo aujourd'hui n'utilise pas de la même manière Internet par rapport à vous, c'est pas les mêmes usages. Néanmoins, elles vont quand même d'ailleurs mettre un certain nombre d'extraits de films anciens sur Internet. Bon, ce sera une autre approche, mais... il me semble que ce serait intéressant d'ailleurs de voir l'évolution de vos pratiques. Moi, il me semble quand même que même s'il y a probablement une origine, une démarche intellectuelle effectivement stable chez vous, il y a une évolution quand même considérable par rapport à la conjoncture, par rapport aux sources de financement que vous avez aujourd'hui, à vos nouveaux partenaires. Le contexte a quand même énormément évolué. Non, mais c'est les problèmes chauds de société, il n'y a aucun financement. Aucun. Hein, oui, mais alors ça, c'est intéressant de voir justement selon les cas. Il s'agit d'organiser les synergies, les réflexions, etc. Il n'y a aucune surface dans les médias. Dans la société se développe actuellement le même type de réflexion sur les transformations que l'on est en train de vivre et des transformations beaucoup plus graves, à mon avis. Le phénomène d'appauvrissement de la société est quelque chose de redoutable actuellement. Et s'organisent toutes sortes de réflexions. Et nous, on utilise Internet pour mettre ça en commun, pour mutualiser, pour inviter, etc. Donc, tu vois, il y a des invariants. On peut trouver ça dans la résistance aussi. Hein, je veux dire, il y a la parole derrière, puis j'aurais une chose à dire après. Je suis très perplexe de ce que j'entends, parce que j'ai l'impression que. On ne réfléchit pas assez sur le préliminaire, c'est-à-dire quelque chose que Godard disait en général en vidéo, c'est Sony qui filme. C'est-à-dire que le principe que vous avez rappelé au début de votre intervention, c'est qu'effectivement Sony a voulu mettre à disposition du plus grand nombre, à des fins commerciales, des outils qui sont, en faisant croire au plus grand nombre et à nous-mêmes, puisqu'on s'en est emparé, que ces outils étaient l'équivalent et que ces outils avaient la même qualité de passation du message. Et donc on a cru, moi j'ai cru, quand j'ai vu arriver la vidéo en 70, 69, j'ai voulu acheter un porte-à-pack, j'ai cru que ça allait tout changer et démocratiser. On emploie ici ce mot démocratiser. Je trouve ça absolument aberrant. Moi, je parlerais plutôt de massification. Ce qui n'est pas du tout pareil. Je me souviens de Robert Kramer. Je vais survoler les questions, on n'a pas le temps. Je me souviens de Robert Kramer qui était retourné une année aux États-Unis et qui nous avait raconté qu'il était absolument effondré parce que ça y était, les Américains ne vivaient que, avaient comme but dans la vie de passer à la télévision. Et moi, je pense que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, avec tout le monde a son petit smartphone pour filmer, c'est en gros, quand on va au ski, le jeu maintenant, c'est d'avoir et de mettre sur son ordinateur la session de ski, la journée de ski qu'on a fait, et puis se montrer à ses copains. Quoi. C'est ça l'idée, c'est ça l'existant. Devenir exister, c'est être à la télévision, passer à la télévision, être individualisé à la télévision. Vous pensez tous au cas à qui je pense, hein, Mera a fait ça. Et je pense qu'il a même fait les horreurs qu'il a fait pour la télévision, pour être à la télévision, pour se filmer. Et pas du tout pour bien autre chose, mais aussi et fondamentalement pour ça. Et nous, ce qu'on a à réfléchir par rapport à ça, alors c'est très intéressant parce que vous montrez un film qui est dans la droite ligne de ce que les situationnistes ont commencé à faire en 68, la dialectique peut-être classée des briques. Non seulement c'est un film qui est un détournement avec des sous-titres, mais je rappelle que ce film a été diffusé. Mon frère, qui était coopérant en Afrique, en Côte d'Ivoire, a vu dans un cinéma de quartier ce film passer dans un cinéma de quartier. C'est-à-dire que le détournement était réintégré dans le circuit commercial. Donc c'est très intéressant parce que ce détournement-là, c'est exactement le même détournement d'Internet. Parce que ça, c'est un détournement d'Internet. Et donc ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on évite de se dire que tout le monde est du gros, tout le monde est gentil, qu'il y a des phénomènes de résistance qui sont très faibles, ceux-là, oui. Il y a une utilisation d'Internet dans les printemps arabes, en Iran, etc., qui sont effectivement des utilisations, disons, des bruissements, hein, qui font effectivement avancer les choses. Mais de là à penser que, il y aurait une démocratisation de l'utilisation de la vidéo parce qu'on a des smartphones. Je sais bien qu'il y a des festivals de films de fiction tournés en smartphone, etc. Mais c'est pour amuser le chaland. Hein, je veux dire, ce que les gens veulent, c'est aller voir dans une salle au Pathé des Plaires, confortablement installé, en Dolby Atmos, leur film. Et pas regarder sur Internet avec une quelconque mauvaise définition des choses. C'est pas ça qu'ils veulent, c'est pas ça que nous on voulait faire, et c'est pas ça qu'on a essayé de faire. Hein. C'est-à-dire que l'utilisation d'Internet comme ça, et pas dans le détournement que vous avez montré, bien évidemment, mais l'utilisation massive d'Internet et de l'image numérique, elle est pour d'autres raisons qui sont un renversement de la société du spectacle, une massification de la société du spectacle. Quand même pas trop être angélique sur nos belles images. Je vais dire une chose parce qu'elle regroupe en partie, elle rejoint en partie ce que vous venez de dire, juste une normale que je voulais faire parce qu'on a bientôt fini. Il me semble que les deux extraits qu'on a vus tirent aussi. Leur impact auprès du public, du fait qu'on était face à des techniques nouvelles. Et je pense que c'est important d'avoir cette remarque, parce que les prostituées de Lyon, je me faisais la remarque que ce qui fait l'efficacité de cette vidéo, c'est que les gens n'ont pas l'habitude de voir des moniteurs dans la rue avant tout. Absolument. C'est pas parce qu'ils sont sensibles à cette cause, etc. C'est parce qu'ils voient des écrans, des gens qui parlent, Et à part dans les vitrines des magasins de télévision, je pense qu'ils n'ont jamais vu un écran dans un autre espace. Et voir des gens qui parlent comme ça dans la rue, c'est quelque chose de nouveau. Et Karamazov-Poulos, sa honnêteté, enfin comme ça, la lucidité, montrer qu'il y a des gens qui sont extrêmement ironiques, qui soupirent en passant, qui ne prennent pas ça au sérieux. Et néanmoins, d'une certaine façon, ça a quand même un impact peut-être paradoxal, contradictoire, mais il y a des gens aussi, visiblement, qui réfléchissent devant ces images. Mais c'est lié à la nouveauté, à un moment qui correspond bien, effectivement, qui rejoint bien notre appellation vidéo des premiers temps, c'est-à-dire à un moment où la vidéo fait attraction, comme le cinéma des premiers temps a fait attraction en tant que technologie. La vidéo fait attraction en tant que technologie, et c'est à ce titre-là qu'il y a quelque chose qui marche. Et French Democracy, je me disais, c'est quand même un peu ancien, maintenant c'est du 2005. Est-ce qu'aujourd'hui une vidéo arriverait à avoir le même impact, c'est-à-dire que là, on est encore face au tout début de la vidéo sur Internet. Est-ce que un des problèmes de la vidéo, au-delà de sa nouveauté, de l'effet de nouveauté du tout début des années 70, ça n'aurait pas, c'est pas justement d'exister en tant que médias un peu structurés, comme disait Michel Lefebvre, cette difficulté comme ça, même si l'effort persiste à travers le temps, d'avoir véritablement une existence publique à côté des grands canaux de diffusion culturelle institués. De la même façon, aujourd'hui, la vidéo sur Internet, est-ce que le problème, c'est pas entre ce dont vous parlez, c'est-à-dire ce dont parlait Josiane Jouet, l'individualisme expressiviste, c'est-à-dire se montrer soi-même, mais pour ses proches, en sachant que ça va circuler un peu entre soi, par des cas pathologiques ou extrêmes, mais en général, on se filme effectivement sur son lieu de vacances pour les siens, même si c'est accessible universellement, ça ne sera vu que de ses proches. Entre ça et puis les grands canaux, les blockbusters, la séance au TV Player, comme vous disiez, est-ce qu'il y a de la voix, une voix pour un troisième cinéma, pour reprendre une excitation de Kian Bell, mais dans un autre sens, elle existe, mais c'est une voie étroite et c'est une voie. Non, elle est largement répandue. Dans le phénomène de Wikipédia, il y a plein de gens qui. Ah, pour les images animées, pour les images animées. Même pour les pardon. Images animées, pour les cours, il y a une sorte de production citoyenne relativement anonyme qui existe. Des fois, c'est très mauvais. Ouais. Mais, très bien, après, il y a des. Ouais. Je ne veux vraiment pas me prononcer dans une direction ou dans une autre. Mais simplement, si on se pose la question, effectivement, de l'impact sur le public et pas simplement du nombre de productions qui existent, je trouve qu'on peut tracer, là, justement, peut-être des parallèles fructueux entre les problèmes rencontrés dans les deux années 70 et les problèmes des médias Internet aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas. Je crois que si vous voulez, malgré tout, je ne sais pas si on peut parler d'un troisième espace, parce que une des caractéristiques de ce monde d'Internet, c'est que c'est quand même un continuum. Ah oui, c'est ça. Et je pense que c'est ça quand même l'élément central. C'est-à-dire sur YouTube, à la fois vous avez trouvé votre film de vacances, vous vous filmez sur la plage avec vos copains, vos enfants, vos petits-enfants, hein. Et puis vous allez trouver French Democracy, hein, mais vous allez trouver aussi un film comme nous, parce que c'est quand même les films qui ont le plus de succès, hein, qui va avoir des millions de vues. Donc c'est tout ça qui est ensemble. Hein. Et je pense que, et à mon avis, ça c'est une rupture fondamentale. C'est-à-dire que le circuit du cinéma, de la vidéo militante, n'avait rien à voir avec le RTF. C'était deux espaces qui ne pouvaient pas se rencontrer, même si le service de la recherche, comme ça, pour bricoler, a fait un ou deux trucs. Tandis qu'aujourd'hui, tout est au même lieu. Hein? Alors, bien sûr, il y en a un qui va être vu par 20 personnes et un autre qui va être vu par 10 millions. Mais malgré tout, on peut passer de l'un à l'autre. J'ai l'impression qu'il y a quand même un problème de repérage. On a parlé des catalogues et des... justement, de tout le travail qui est fait sur le repérage et d'avoir l'information des films. Et ce qui est frappant quand même sur Internet, c'est que si on n'a pas l'information, comment trouver ce domaine, le domaine qu'on cherche? Ses copains, ça va parce qu'on se le transmet. Une cause, éventuellement, on trouve. Mais la quantité est devenue tellement énorme que si on n'a pas l'information de l'existence de ce qu'on cherche, Et ça, sûrement, c'est un des problèmes principaux. C'est-à-dire, il y a une telle masse. Et je pense quand même que le troisième domaine existe un peu, si on l'a repéré et si on se branche avec. Je travaille sur un programme sur cinéma et architecture. On travaille sur les habitats précaires. Et donc, un festival qui passe là en fin de semaine dans le Sud. Et pour repérer les choses, pour aller sur Internet, il faut avoir connaissance que ces films-là ont été tournés. Par exemple, il y a un film qui s'appelle Notre-Dame des Luttes sur Notre-Dame-des-Landes. Assez bon film. Et ce qui frappe par rapport à la vidéo des années 70, c'est quand même la vitesse, la possibilité de rapidité pour constituer un film documentaire, je crois qu'il fait 52 minutes, de qualité, diffusable. C'est-à-dire, on a aussi des facilités maintenant techniques pour que sur une lutte comme ça, il existe un film cohérent, 52 minutes, en couleur, bien fait, et diffusé très largement. Donc ça, c'est quand même aussi la grosse différence. Le seul problème, c'est de savoir qu'il existe. Parce qu'avant, il y avait, une certaine circulation d'informations. Aujourd'hui, qui sait que ce film, Notre-Dame des Luttes, est sur Internet et qu'on peut le voir ? Stéphane Gérard aussi, juste avant vous, il y avait Stéphane Gérard derrière, enfin juste avant le monsieur qui est juste derrière. Stéphane Gérard qui d'ailleurs réalise lui-même des films qui sont sur Internet. Oui, c'est en ce moment que je voulais répondre. Enfin voilà, produisant de nos jours des vidéos à dimension à portée militante, c'est vrai que j'entends ce que vous dites sur l'égalité des supports et des mises en ligne, mais les deux. Le principal obstacle qu'on rencontre, c'est cette question de la visibilité, et en particulier un de ces éléments auxquels on s'intéresse le plus, c'est le système de référencement de Google, par exemple, qui change constamment, et où un des questionnements, c'est comment être visible, comment on s'arrange pour apparaître quand on cherche pas les gens nous recherchent, voilà. Et que un des outils qu'on travaille aussi beaucoup, en tout cas auquel on réfléchit parce que c'est pas un travail évident, c'est de trouver aussi l'équivalent de ce qu'étaient les distributeurs, les réseaux de distribution dans les années 70, et qui seraient des passeurs par Internet de notre parole à une échelle supplémentaire. Et pour l'instant, notre réponse, c'est des sites voilà, comme Rue89, Mediapart, Réseau.net, qui acceptent des points de vue peut-être en marge, qui laisse un espace voilà, à des productions et bien sûr en particulier des médias. On se rend compte que c'est beaucoup plus facile de diffuser une vidéo qu'un texte quand on a un groupe politique parce que maintenant c'est ce qui circule avec les phénomènes virales, etc. Mais ça serait un peu nos tentatives, c'est de ce côté-là qu'on recherche pour répondre à cette problématique. Mais en effet, j'ai du mal à entendre que cette démocratisation, quand on travaille sur avec des ambitions politiques, elle est simplifiée par le moyen numérique. Moi, j'ai plutôt l'impression que les voix de discours politiques, elles sont tout aussi difficiles à entendre qu'elles pouvaient l'être dans les années 70 parce qu'elles sont noyées justement dans ce côté impressionnant. Il y avait monsieur à la gauche de Stéphane. Je voulais juste avant pour dire que je connaissais Notre-Dame des Luttes et effectivement sur les sites dont vous avez parlé, Réseau.net et d'autres, c'est présent en fait. Il s'agit. Et je voulais réagir en même temps sur ce que vous aviez dit. Vous avez parlé de politique essentiellement comme un positionnement par rapport au mouvement politique. Et moi, je trouvais que justement Internet permettait aux citoyens de base de beaucoup plus se coordonner et d'agir. Là, avec le numérique, c'est justement les outils du collaboratif et pour l'action sont dans cette convergence numérique avec l'image. Et c'est ça qui est passionnant et qui pour moi, révolutionne les choses. Voilà, c'est tout. Je voulais réagir. Alors, on va devoir rendre la salle, mais pour l'ultime réponse et faire des petites remarques pour la suite du travail historique. Alors, je suis désolée de régresser à l'étape de la vidéo. Voilà. Mais il me semble qu'il y aurait une troisième piste de diffusion à explorer. Donc, il y avait la vidéo Brouette, ensuite il y a une email. Mais il y a une troisième piste qui a été esquissée par quelques interventions. C'est les achats de bandes vidéo, par exemple, Marie-Thérèse a évoqué ça, et les news aussi, je crois, par la CFDT, par exemple. à l'époque où elle était, disons, plus autogestionnaire, etc., comme l'avait précisé Marie-Thérèse de Martigny. Donc, il me semble que ce courant qui est circonscrit à la vidéo, donc, puisque la BNF entreprend le dépôt légal, enfin, de conserver et de sauvegarder les banques, ce courant-là, maintenant, ce qu'il en reste, s'inscrit dans ce qu'on appelle maintenant l'économie sociale et sociale, par le réseau des mutuelles, des scopes, en fait, etc., et débouche, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des créations d'emplois. Alors, c'est dans le contexte actuel une chose qui me paraît très très importante. Oui. Non, c'est juste, vous avez peut-être fait un séminaire là-dessus, je ne sais plus, j'ai pu regarder la liste. Il y a quand même un paramètre qui est assez, enfin, je ne sais pas, il y a insuffisamment pris en considération, alors que c'est in fine celui qui nous concerne, c'est qu'on a, sur les 40 ans par exemple, et ça, certains peuvent en témoigner, c'est plus du tout le même public. C'est-à-dire que je veux dire par là qu'à l'époque, on était réellement porté par quelque chose. Sinon, ça n'aurait pas eu lieu. Aujourd'hui, je me demande par quoi sont-ils portés? Est-ce qu'ils sont portés par l'hyper-idéologie, la technologie, etc., etc.? Est-ce qu'il y a d'autres groupes plus informels, moins connus ou autres qui fonctionnent? Sûrement, attendez, sûrement. Il reste des mouvements militants, de fait, quand même. Oui, bien sûr. Merci. Le public, aujourd'hui, est prêt à recevoir ce genre? Par exemple, prenons un exemple très simple. Ce film-là, je l'ai bien regardé. Je suis persuadé qu'on l'aurait passé à l'époque, il y a 30, 40 ans, les gens s'est sortis. Ils n'auraient pas marché. Ils auraient, à part l'aspect, bien sûr, anti-flic, etc. Mais bon, je ne peux pas l'expliquer maintenant, ça serait trop rapide. Bon. C'est quand même un support idéologique. Même si on prend ça comme un antidote, il y a quand même de l'idéologie là-dedans. Les gars avec les flingues, les costumes, les ceci, les cela. Et il y a une époque, les gens étaient extrêmement rétifs par rapport à ça. Ça ne pouvait, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, ce qui se passe, c'est là où il y a des lieux où ça fonctionne énormément. Par exemple, à Notre-Dame-des-Landes, c'est clair que là, il y a des gens qui filment, il y a un public qui est en phase, on retrouve, vous voyez, ce genre de choses. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en considération ce mouvement tectonique, idéologique et public. Et je crois que dans une étude comparative, c'est fondamental. Ce qui veut bien dire qu'aujourd'hui, ça fonctionne de manière magnifique et remarquable. Attention, c'est pas ça, quelqu'un. Mais il faut bien partir de ça, il y avait des publics pour tout ça. Alors, je pense que cette question, effectivement, de la diffusion, de la réception et des publics, vous avez absolument raison, c'est une question sur laquelle il faudra qu'on revienne, parce que, somme toute, on ne l'a qu'effleuré jusqu'à présent, et c'est effectivement une question fondamentale. Après, moi, il me semble qu'il s'agira bien de voir que ces publics, dans les années 70 et aujourd'hui encore, ils sont hétérogènes. Ils sont divisés. Et selon les contextes justement de diffusion, les dispositifs qui étaient mis en place à l'époque de la vidéo brouette, même quand vous vous déplaciez, parfois vous montriez des bandes devant un public qui pouvait être déjà convaincu, ou qui était réputé déjà convaincu dans certains cas, quand il s'agissait d'être accueilli par un groupe, par exemple, qui était directement concerné. Mais d'autres fois, ces mêmes bandes étaient montrées sur des marchés. Donc le public était hétérogène. Carole Roussopoulos, elle allait sur les marchés pour, disait-elle, apporter la ligne juste. C'était ses mots de l'époque, effectivement. Mais de fait, il y avait Brigitte Fontaine et puis Julie Dassin qui était là. Brigitte Fontaine qui chantait, qui était déjà connue. Ça attirait du monde pour elle-même, et pas d'abord pour la vidéo militante, mais ensuite elle pouvait être vue, cette vidéo militante, parce que, justement, les personnes avaient été attirées par autre chose. Donc je pense qu'il faudra travailler sur l'hétérogénéité de ces publics et le caractère conflictuel de ces réceptions, qu'il s'agit, à mon avis, de ne surtout pas, justement, aplanir, ni à l'époque, ni aujourd'hui, ni pendant les périodes intermédiaires. Mais il faudra qu'on revienne absolument là-dessus, c'est effectivement très important. Nous devons, hélas, clore cette séance. Donc, trois informations importantes. Donc la prochaine séance aura lieu le 8 avril. Attention par rapport au premier programme qui avait circulé, la date n'est plus la bonne. Aujourd'hui, c'est bien le 8 avril qui a remplacé la date que je ne rappellerai pas, qui était précédemment citée, et qui portera donc cette séance sur les expériences vidéo dans les conflits LIP. Nous ne sommes pas tout à fait en mesure pour l'instant de vous confirmer la totalité des invités. On peut déjà vous dire que quelqu'un d'ADP, de l'atelier de diffusion populaire, Anne-Marie Martin, ou une autre personne sera présente. On espère que Dominique Barbier pourra être là, mais ce n'est pas sûr parce qu'elle est en ce moment en montage. Et on espère aussi avoir parmi nous un ou une cinéaste qui a travaillé en argentique au moment aussi des conflits LIP. Deux autres informations que nous souhaitons transmettre. Le 19 mars, la séance vidéo des premiers temps, et je me tourne vers Étienne Sandrin, qui se tiendra au Centre Pompidou, sera consacrée... Vidéo et après, j'ai dit quoi ? Vidéo des premiers temps. Excuse-moi. Vidéo et après, je te laisse. Et c'est le 18 mars. Ah, c'est bon. En cinéma 1, c'est une séance autour de Chris Marker. Voilà. Donc lundi 18 mars, vidéo et après, Centre Pompidou. Entrée libre. Donc, voilà. Voilà, autour de Marker. Et enfin, mais on aura l'occasion peut-être d'en reparler, mais ne vous étonnez pas parce que je pense que je vais faire circuler l'information par la liste vidéo des premiers temps. Dans le cadre d'un programme de recherche qui a été lancé au sein d'un LABEX lié à mon université Paris 8, un programme qui est articulé autour des rapports entre cinéma, vidéo, art et politique. Trois stages vont être à pourvoir, donc un à la BNF et deux au Centre Pompidou. Et donc on fera passer les fiches de stage dans le cadre donc, de cette liste pour que l'information circule largement, puisque voilà, nous cherchons des stagiaires pour travailler autour de ces problématiques, et notamment de la vidéo. Et là, je me retourne encore vers Étienne, puisque deux des stages sont en lien direct avec le travail qui est fait aux nouveaux médias au Centre Pompidou, et puis aussi à la bibliothèque Kandinsky, puisque, et là, c'est en lien direct avec le cours aussi, les archives d'Anne-Marie Duguet sont en cours de dépôt. Il y a déjà une partie qui a été déposée, mais on espère que d'autres archives rejoindront les fonds de la bibliothèque Kandinsky. Et un des stages sera consacré à leur classement. Et à la Bibliothèque nationale de France, le stage concernera aussi le travail autour de la vidéo des premiers temps, d'histoire, mémoire et bobine féministe. Autre travail en cours qui sera présenté, la séance qui suivra celle des conflits LIP. Voilà.